toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, qui est consacré à un magazine santé? On a pris le rythme. Oui. Bonsoir Michel, bonsoir à tous nos auditeurs, avec plaisir. On a pris le rythme, je crois que le troisième mardi du mois maintenant, on peut venir derrière les micros d'RGM pour ce magazine santé. Avec le concours, bien sûr, de Dr Jean Tisserand, mais aussi d'Ademat H, hein, qui est notre partenaire depuis un certain temps, parce qu'on diffuse leur information, mais en échange, bon, ils nous amènent un peu la connaissance du terrain, la connaissance de ce qui se passe, en particulier par rapport à l'hôpital de Remiremont, mais pas seulement, hein, l'impression que... Oui. L'ARS, le pouvoir en place aujourd'hui, le pouvoir aussi bien administratif que politique, ne ménage pas tellement nos hôpitaux. Nos hôpitaux, nous intéressons à tous les hôpitaux vosgiens, hein, qui sont vraiment dans le collimateur. Aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que bon, le plan de performance avait quelque peu du plomb dans l'aile, on a des échos que par la presse qui n'interroge pas tellement des maths, entre parenthèses. Oui, non, on a peu accès à... Peu accès à l'information, aux médias. Ouais. Oui, je constate même un petit coucou à des amis journalistes de dire quand même que lorsque on leur demande de publier une information... La plupart du temps, ils disent, bah oui, d'accord, mais de toute façon, on va consacrer aussi notre rubrique à faire parler aussi ceux qui sont en quelque sorte vos adversaires. Hein, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Mais là, on déblatère à longueur de page par rapport à l'hôpital de Remiremont et on n'interroge jamais Ademat, par contre. Le sentiment d'Ademat par rapport à ce qui se passe. Or, L'Ademat, c'est sûr, c'est une association de défense donc de la maternité et de l'hôpital de Remiremont. Et nous jouons notre rôle d'un petit peu de poil à gratter. Nous dénonçons un petit peu tous les travers de l'administration de la santé hospitalière localement. Et c'est vrai que nous sommes un petit peu déjeuneurs, mais nous sommes là pour dire la vérité de ce qui se passe. Ça, c'est une chose essentielle. Le plan de performance n'a pas vraiment été signé à Remiremont, je crois, alors qu'il l'a été à Saint-Dié. Il y a surtout le service de pédiatrie et de néonatologie qui va être mis en cause par ce plan de performance. C'est un plan d'économie globalement de 25 millions d'euros sur les deux hôpitaux d'Épinal et de Saint-Dié. Mais au-delà de ce plan de performance, il y a, une mi-temps administrative, l'administration de l'hôpital et le directeur de l'hôpital et le directeur de l'ARS font tout administrativement en dehors de ce contrat pour réduire la capacité de soins et pour attaquer l'hôpital de Remiremont, ce qui est assez paradoxal. Il y a des pressions sur les médecins pour qu'ils aillent ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. Je rappelle que quand même toutes les surveillantes et cadres de service ont muté à Épinal. Il n'y en a plus à Remiremont, elles sont toutes parties. Récemment, tout le personnel de direction est parti à Épinal. Il n'y a plus de personnel de direction, pas même une secrétaire de direction. Alors ça, c'est des techniques insidieuses qui misent les unes au bout des autres, réduisent... On déshabille complètement l'établissement. Voilà. On déstabilise, on déshabille l'établissement. Alors, heureusement... Il reste un corps médical soudé qui est performant, qui a une très bonne réputation, dont les soins sont de très haute qualité, et ce qui fait que l'hôpital continue de fonctionner. Et qui recevront les instructions directement depuis Épinal. Oui. Mais il se trouve aussi que dans les médecins, il y a des arrivées, des départs, normalement. Et à Remiremont, il y a pas mal de départs qui sont faits, qui ne sont pas remplacés, parce que le directeur refuse tout recrutement. Refuse ou néglige ou botte en touche ou quand un remplaçant vient à Remiremont et serait intéressé par un poste, on l'envoie à Épinal et on lui fait visiter l'hôpital d'Épinal. Alors les propos lénifiants devrais-je dire, du président du conseil départemental, ça semble un petit peu décalé par rapport à la réalité du terrain. Oui, le président du conseil départemental s'est intéressé aux problèmes de soins sur le département, c'est vrai. Il y a peu de versants hospitaliers dans sa médiation ou son plan. Hein. Il ne s'occupe pas trop de l'hôpital. Il est plus intéressé, je pense, par les problèmes de médecins généralistes, de médecins traitants, qui manquent aussi, hein, faut le reconnaître. Hein, mais il n'a pas une action spécifique pour l'hôpital. Pour les Vosges. Pour les Vosges, oui, pour l'hôpital. Et puis... je pense que c'était aussi pour lui une occasion de faire une opération un petit peu médiatique et de remonter un petit peu dans le... Je dirais pas dans les sondages, mais dans le... Pour justifier cette politique de restriction budgétaire, parce qu'il s'agit d'abord tout ça, on dit bah, il n'y a plus assez de médecins, donc on est obligé de regrouper des services, etc., etc. La réalité est quand même un peu plus nuancée. C'est un petit peu différent. Hein, c'est un petit peu différent. Oui. J'ai revu ce discours par rapport à ma mutuelle, d'ailleurs, ce qui m'a fait bondir, mais bon, ça c'est une autre histoire, hein, en disant bah, tout ça, le plan de santé 2022, il est bien obligé, puisque de toute façon, on manque de médecins, il faut regrouper les moyens, il faut mettre en commun des moyens. Mm-hmm. Peut-être, mais enfin, on peut quand même penser qu'il y a encore suffisamment de médecins pour éviter quand même la catastrophe sanitaire que l'on nous annonce. Et en ce qui concerne l'hôpital de Remiremont, c'est un bel outil, performant, et je pense que ça ne manque pas de candidatures. Il y a des médecins qui viennent. Je sais qu'un urologue, par exemple, s'est présenté, un ORL également. C'est chouette aussi comme contexte de vie, hein, c'est vrai, mais aussi pour les soins et pour l'équipe médicale. Mais je répète que l'administration décourage régulièrement ces candidatures, même de gens très motivés, de jeunes médecins très motivés. Ensuite, l'administration se retranche derrière, effectivement, on ne trouve pas de médecin. Mais je crois que c'est volontaire, c'est de la mauvaise foi, tout simplement. Voilà. Oui, bien sûr, hein? parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on peut dire que globalement, il y a encore assez de médecins. Oui. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, Il y aura certainement des problèmes, mais pour l'instant, il y a encore des médecins. Mais ils sont très mal répartis. Et l'outil performant qu'est l'hôpital d'Épinal est très attractif. De Remiremont est très attractif, je veux dire. Mais l'administration déshabille progressivement Remiremont pour Épinal. Essaye de transférer des services, des médecins, alors que je parle par exemple de la diabétologie. Un diabétologue de l'hôpital de Remiremont a été transféré à Épinal alors qu'il n'y a pas de service de diabétologie. Alors maintenant, on voudrait bien transférer le service de diabétologie qui fonctionne très bien à Remiremont. C'est un petit peu triste. Et tout ça à l'initiative, bien sûr, du directeur et certainement de l'agence régionale de santé. Le directeur commun des deux hôpitaux qui a été nommé par le directeur de l'ARS et qui applique la politique du directeur de l'ARS. Hein. Il a une feuille de route. Et c'est un espèce de... Ça me fait penser à ces directeurs d'entreprise qui sont nommés pour fermer les boîtes, pour licencier des nettoyeurs. Voilà, ça, ce sont des nettoyeurs. C'est ni plus ni moins que ça. Mais je crois les nettoyeurs qui arrivent à faire l'unanimité contre eux, bien sûr. Les médecins de Remiremont, par leur qualité et leur réputation, font obstacle à ça. Par rapport à celui d'Épinal, il n'y a pas photo. Hein. C'est quand même des équipes extrêmement performantes à Remiremont. Et puis la DEMAT fait aussi obstacle à cette politique de petits pas de destruction journalière. Voilà. Il faut le dénoncer, il faut le dire et continuer de venir à l'hôpital de Remiremont parce que je crois que sans arrière-pensée, les soins y sont de qualité. Oui, parce qu'autour de nous, on entend des gens qui disent bon, de toute façon, l'hôpital public, aujourd'hui, avec les mesures de restriction, tout ça, moi je vais carrément à la clinique privée, quoi. Hein, puisque de toute façon, on sait très bien que Durkheim, le nouveau Durkheim, n'est pas trop accessible non plus. Oui. Hein, Remiremont risque d'être en perte de vitesse par rapport justement au fait qu'on que peu à peu, on le vide de son contenu. Donc, on risque fort de voir des gens se réfugier vers le privé. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Ben, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes qui sont tentées d'aller vers le privé, parce que, en quelque sorte, ils sont quand même... Je pense pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'affoler, de se tourner vers le privé d'Épinal. Je pense que l'hôpital de Remiremont remplit tout à fait son rôle. Moi, chaque fois qu'on me demande des conseils, je dis va voir tel chirurgien, tel médecin à Remiremont, il n'y a aucun souci. Et moi, je fais confiance à ces médecins romarimontains. Mais c'est vrai que si l'hôpital de Remiremont devait disparaître, ce serait un dilemme. Moi, je pense que... Ça serait au bénéfice du privé. Je pense que les gens n'ont pas besoin de tellement de conseils, finalement. Je crois que beaucoup de gens me disent, s'il n'y avait pas tel médecin à Remiremont, moi, j'irais dans le privé à Épinal. Donc, je n'ai pas tellement de consignes à donner, finalement. Vu les équipes médicales du centre hospitalier d'Épinal et les équipes privées... Bon, moi, j'ai fait une carrière dans le public. Donc mon cœur va plutôt vers le public. Mais vu les circonstances de dépouillement de l'hôpital de Remiremont au profit de celui d'Épinal... Ce serait discutable. Ce serait discutable. De toute façon, Épinal n'aura pas la capacité d'accueillir tout le monde. Oui, oui, oui. Oui. Hein, toutes les spécialités. Je vois qu'en gynéco-obstétrique, par exemple, j'ai fait mes études avec des gens qui travaillaient à la clinique et qui travaillaient très bien. On avait la même manière de travailler. Hein. Voilà. Voilà, ce tour d'horizon me paraissait obligatoire. Ça a pu la rentrée. Il y avait une réunion d'ADEMAT hier soir, d'ailleurs, qui a permis de faire le point sur la situation de l'hôpital de Remiremont, puis des autres hôpitaux, parce qu'on rencontre partout la même chose, hein, des restrictions budgétaires qui effectivement obèrent les activités des établissements hospitaliers, surtout en Alsace aujourd'hui, puis à Saint-Dié, bien sûr. À Tannes, Cernay, Saint-Dié, Neuchâteau... C'est vraiment une catastrophe sanitaire qui nous attend. On pouvait penser que la santé était quand même un secteur qui devait être protégé, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important. Mais nos gouvernants veulent faire des économies sur la santé hospitalière. Je pense au détriment de la population maintenant. On est vraiment... Oui, c'est clair pour l'accès aux soins. Voilà, alors on va s'accorder une première pause musicale. Un petit coucou à Lia, qui est aux commandes. Qui est aux commandes. Merci d'assurer la technique aujourd'hui. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he told us of a life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begin to play, we all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine. Eh bien voilà, nous reprenons l'anthème pour ce magazine santé avec le docteur Tisserand, notre partenaire pour un magazine santé dont on devrait assurer la pérennité tous les mois, tous les troisièmes mardis du mois à peu près, si tout va bien. Sans problème, c'est avec plaisir. en sachant bien qu'on a bien sûr quand même, ça nous semblait normal, notre partenariat... avec Adémat H, de parler de la situation, de l'accès aux soins des hôpitaux vosgiens, mais pas plus particulièrement, bien sûr, en ce qui concerne Adémat, l'hôpital de Remiremont. Voilà, ce point étant fait, on va pouvoir aborder le sujet du jour. On l'avait promis, hein, de parler de la santé et du sport. Ou du sport santé, comme on veut. Alors, toi-même, Jean, tu étais un grand pratiquant de sport. Oui, à peu près toute ma vie, j'ai fait du sport. Oui. Je pense qu'il faut déjà différencier deux choses. C'est l'exercice physique banal du sport. Mais je crois que j'ai fait du sport toute ma vie. Alors, quelle différence tu fais ? Le sport, je dirais, c'est quand même plus quelque chose de plus intensif, plus de compétition, de choses comme ça. Voilà. Et la simple dépassement de soi. Oui, exactement. La simple activité physique, c'est bouger, remuer, marcher. C'est un plus faible niveau, quoi. J'ai fait des sports individuels, des sports collectifs. J'ai fait plein de choses. J'ai commencé par le football. Dès l'âge de 5 à 7 ans, j'ai joué au football. Si tôt ? Ah oui. On faisait partie de ce qu'on appelle les poussins, les équipes de poussins. Poussins. Depuis jusqu'en... Je crois qu'on était poussins qu'à 8 ans. J'étais les mini-poussins. Oui. On jouait. Il faut dire que là où j'habitais, c'était un petit village de 2500 habitants. Dans les années 50, il y avait qu'un seul sport, en fait. Il y avait 300 ou 400 licenciés enfants au football. Tout le monde jouait au football. C'était le sport de... Et puis j'ai fait du ski. Encore aujourd'hui, en milieu rural, souvent. Il y avait un stade, il y avait une entreprise, je dirais, assez paternaliste dans le village qui sponsorisait ce stade et ce club. Et j'avoue que j'ai eu des entraîneurs de qualité. Le football, c'était aussi... on se retrouvait entre copains, c'était le jeudi après-midi hein, à l'époque. Et, oui. Et puis on jouait le samedi ou le dimanche. Et c'était... des retrouvailles avec tous les enfants du village. C'est un sport collectif. Un sport collectif, c'est une fonction sociale, un petit peu, de rencontre, de discussion. On se voyait en dehors de l'école, quoi. Et puis, à l'école, Une fonction sociale. Oui, une fonction sociale. Et puis, comme beaucoup de sports, il y a des règles précises où on doit se plier à des règles. C'est très éducatif. On se plie à des règles, à des règlements, à des manières de jouer, un fair play. Il n'y a pas de voyous sur un stade, hein, tout le monde. Ce qu'on oublie quelquefois dans le sport professionnel. Oui, c'est un autre débat. Et puis, comme ça marchait bien, on était heureux, on faisait la fête. Hein, le football. Que j'ai arrêté vers une vingtaine d'années suite à une grosse fracture quand même de tibia péroné qui m'a laissé une arthrose de cheville et de genou assez importante. Donc ça, c'est les traumatismes du sport, quoi. Donc, et qui m'ont limité un petit peu dans la course à pied après. Je faisais du ski, j'ai toujours fait du ski aussi. Y compris, m'a-t-on dit, le couloir de Falimont. Oh, tu sais ça. Oui, tout à fait. J'ai fait de la montagne aussi beaucoup. Hein, l'escalade un petit peu et du ski dans des couloirs ou des choses comme ça. Un peu extrême, un petit peu risqué, mais enfin bon, il y a des règles précises en montagne. qu'il vaut mieux respecter, vaut mieux faire attention. C'est aussi une école de la montagne, surtout la montagne, c'est une école où on est très humble face aux éléments. On doit être faire très attention à soi, respecter bien les règles de technique, de sécurité. La sanction arrive. Ah oui, la sanction peut arriver. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. C'est... Des courses en montagne. Je veux dire des. Des randos. J'ai fait beaucoup des randos de montagne en pot de phoque. J'ai fait en ski toujours. Oui, j'ai fait Chamonix-Zermatt sur une semaine en logeant en refuge tous les soirs, quoi. Passer à Chamonix pour aller dans celle de Suisse, dans le Valais. Oui, c'est de beaux souvenirs, quoi. Puis j'ai fait un sport que je considère comme très important. T'arrives à concilier ça avec tes études ? Les études en particulier médicales, c'est quand même... Ah, c'était un peu avant les études médicales, mais j'ai continué quand même un peu. Le judo, j'ai fait beaucoup de judo. Le judo, c'est un excellent sport. C'est un sport de combat, qui est un sport extrêmement technique. Où on se bat comme des chiffonniers, mais on se respecte, on se salue. C'est pareil, en judo, il n'y a pas de voyous. Ça donne de l'assurance aux timides, ça calme les gens qui sont trop impétueux, quoi. Mais c'est un sport technique extrêmement... où on apprend la précision du geste, où on apprend à faire un... Il y a des notions d'équilibre, de déséquilibre, de gestes très précis. Et c'est très important pour savoir se servir de ses membres et de son corps. Voilà. Avec un fair play tout à fait japonais. Et puis des professeurs, des maîtres qui étaient quand même extrêmement compétents. J'ai eu de la chance aussi de ce point de vue-là. Voilà. Alors, quel lien qu'il y a entre la connaissance de son corps et la santé, à ton avis ? Je pense que le sport est bénéfique à la santé. Le sport est bénéfique à la santé. Ça, c'est quelque chose d'acquis, de prouvé. Et c'est proportionnel un petit peu à la fréquence et à l'intensité de l'activité sportive. C'est bénéfique, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan neurologique cérébral, sur le plan ostéo-articulaire, on pourrait détailler sur le plan métabolique, sur le sucre, sur toutes ces choses-là, le métabolisme on évite les diabètes. C'est extrêmement bénéfique. Du point de vue physiologique, il y a différents types de sports à différentes intensités qui permettent de faire travailler les muscles sur des filières métaboliques différentes, c'est-à-dire en utilisant des substrats, le sucre, les graisses, de manière différente selon l'intensité. Donc c'est bien de connaître un petit peu cette physiologie pour adapter son activité sportive en fonction de ce qu'on veut faire. C'est pas du tout le même sport que de faire, de l'endurance, faire du marathon ou faire de la course à pied ou du vélo sur des grandes distances, que de faire de l'haltérophilie ou des choses comme ça. C'est des filières complètement différentes. On fait travailler des fibres musculaires différentes, on fait travailler le cœur de manière différente et on consomme des substrats, du carburant qui est différent. Et c'est important de connaître un petit peu tout ça. Sur le plan cardiaque, par exemple, on a tous une fréquence cardiaque maximale à l'effort, qui peut monter très très haut sur des efforts de courtes et très brèves. Les haltérophiles, par exemple, ont des fréquences cardiaques qui peuvent monter à 300, plus de 200, voire 300 pulsations, mais sur des trucs très courtes durées. Mais pour ce qui concerne l'endurance, par exemple, on considère que la fréquence cardiaque, c'est maximale, admissible, c'est 220 moins l'âge. C'est-à-dire qu'une personne qui a 20 ans aura une fréquence cardiaque maximale de 200, quelqu'un de 40 ans, ce sera 180, quelqu'un de 60 ans, ce sera 160. Voilà, en fonction du pourcentage de cette fréquence cardiaque maximale, on utilise justement des sucres ou des lipides de manière différente. Et quand on est en dessous de 60% de cette fréquence cardiaque maximale, on est en effort très modéré. C'est une marche rapide, sans plus, quoi. Entre 60 et 70% de cette fréquence cardiaque maximale, c'est de l'endurance. C'est le cycliste qui fait des sorties de longue durée, c'est la course à pied de longue durée. Au-dessus de 70% de cette fréquence cardiaque maximale, on rentre dans ce qu'on appelle la résistance. On rentre dans des efforts plus intenses, mais qu'on ne peut pas maintenir trop longtemps. Parce que la fibre musculaire utilise, donc je vous ai dit, des sucres ou des graisses et de l'oxygène pour brûler ce carburant. Au-dessus de 70% de cette fréquence cardiaque maximale, on n'a plus assez d'oxygène pour brûler ces substrats et faire de l'énergie. On a rompu l'équilibre d'oxygène. Voilà, rompu l'équilibre d'oxygène. On est en dette d'oxygène. Donc, l'effort musculaire est beaucoup moins rentable, si tu veux. On dégage moins d'énergie au-dessus de ces fréquences pour la même quantité de substrat consommé, sucre, etc. Et en se mettant en dette d'oxygène, on a des métabolismes différents, des métabolismes anaérobies, et on fabrique des choses comme de l'acide lactique qui va nous donner des courbatures. Mal dans les jambes, dans les muscles, surtout le lendemain ou le surlendemain même. On connaît ça. Voilà. Alors que si on est en dessous de 70% de sa fréquence cardiaque maximale, on ne fait pas d'acide lactique. Normalement, on ne doit pas avoir de courbature ni de mal dans les membres, normalement. Et même en cas d'effort physique très prolongé. Les sucres qu'on consomme, ils viennent de trois origines. Le glycogène musculaire. Le muscle contient des réserves de sucre. Le sang contient du glucose aussi, mais nous avons 5 litres de sang à raison d'un gramme par litre, donc ça ne fait pas beaucoup. Et puis notre foie, libère du glycogène hépatique et libère du glucose pour maintenir. Mais nos réserves de sucre pour l'effort physique intense ne dépassent pas 3 quarts d'heure à 1 heure et quart pour des sujets très entraînés. Ensuite, on est un petit peu en panne. Voilà. On parlait quelquefois, j'étais entraîneur d'athlétisme autrefois, c'est pour ça que vous avez aussi ce magazine parle un petit peu du sport et de la santé, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'au bout d'une heure, à peu près dans un effort moyennement intense, parce que c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, dans une course, par exemple, de grande distance, c'est l'expérience que j'avais, c'est-à-dire le marathon, on arrivait véritablement au bout de ces réserves de glycogène, on dit comme ça. Glycogène, de sucre. Quoi, de sucre à peu près au bout d'une heure et demie. Voilà, il fallait prévoir avant. C'est quelqu'un d'entraîné. C'est comme mon marteau. Quoi. Oui. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que pendant l'effort physique, le tube digestif absorbe très mal. Et on n'arrive pas souvent à remonter la glycémie suffisamment pour l'apport de sucre est mal digéré. Parce qu'il y a une vasoconstriction, c'est-à-dire qu'on vascularise davantage son cœur, ses muscles, et on ferme le robinet vasculaire pour le tube digestif et les reins pendant l'effort physique. Donc, sur des efforts prolongés, il y a souvent des petites hémorragies digestives ou des vomissements, des choses comme ça, puisque le tube digestif souffre un peu. On le met de côté, il ne sert à rien. Voilà. Un chercheur de l'INRS qui avait suivi justement, c'était Nancy, qui avait suivi justement des athlètes courant le marathon, c'était à Neubrisac à l'époque. C'est un des seuls marathons prestigieux de l'Est de la France, qui a disparu d'ailleurs, disait que de toute façon, la température du corps pouvait monter à 41 degrés. Oui, c'est possible. L'effort physique... Il y avait des instruments de mesure, c'est-à-dire qu'il y avait des cobayes, si on peut dire, qui transportaient des instruments de mesure qui permettaient de discerner tout ça. Il y a une adaptation vasculaire du corps humain à l'effort. C'est sûr que la température monte, c'est pour ça qu'on suit. Et encore, c'était des températures à peu près extérieures qui étaient c'était au mois d'octobre, fin octobre, donc il y avait des températures extérieures qui n'étaient pas trop important. Mais c'est pour ça que pendant l'effort physique, on a une sudation importante. L'évaporation fait du froid. ça permet de refroidir un petit peu le corps humain. Hein, et il faut beaucoup d'eau. De l'eau, oui, exactement. Il faut beaucoup de liquide. Alors, je parlais tout à l'heure du métabolisme. Des métabolismes, en dessous de 70% de fréquence cardiaque, on consomme surtout des graisses. Et alors que le stock de sucre et de glycogène est relativement limité, le stock de graisse, même chez les gens les plus maigres, est considérable. C'est nos graisses qui nous permettent de faire des épreuves de type marathon ou de type trail ou des efforts de ski de fond ou d'endurance en haute montagne pendant de très longtemps. Mais il faut être en dessous de 70% de sa fréquence cardiaque maximale. Et là, chez quelqu'un d'entraîné, on est vraiment stupéfait de la durée de l'effort sportif possible. Mais au-dessus de 70% de la fréquence cardiaque, on rentre dans la consommation des sucres qui est limitée et la dette d'oxygène. Alors, parlons du sport des jeunes, hein, parce que là, tu évoquais le foot, mais bon, c'est des efforts quelquefois intenses, mais de courte durée. De fractionné, c'est du fractionné, le football. C'est fractionné. Je repars de mon expérience d'entraîneur d'athlétisme par rapport à des jeunes. On entraînait selon la méthode Vanaken, qui était l'entraîneur de Norpot et qui disait que de toute façon, même pour un adulte, et d'autant plus pour un jeune, on n'entraîne pas en résistance. Hein. C'est-à-dire que on nous disait à l'époque les critères, c'était entre 120 et 160 pulsations. On était dans une phase d'endurance. En dessous, il n'y avait pas véritablement un travail très important des muscles cardiaques. Et au-dessus de 160, effectivement, on est en résistance. Qui avait tendance à muscler prématurément le muscle cardiaque. Le muscle cardiaque, oui. Et qui vaut mieux, par l'endurance, augmenter la capacité du cœur, le volume cardiaque. De la pompe cardiaque, oui. Et que surtout chez les jeunes, on ne fait pas faire d'haltérophilie ou de choses comme ça aux jeunes. Et on leur fait faire de la course à pied à bas régime, justement pour développer les capacités cardiaques. Capacités cardiaques volumétriques. Parce qu'on avait les entraîneurs autrefois, lorsqu'ils rencontrent un jeune qui était assez doué au niveau de la course à pied, je parle encore de ce que je connais bien, disait toujours, on a brûlé pas mal de jeunes prématurément, en les laissant se dépasser, et puis mettre leur santé cardiaque en danger, puis de toute façon, après, ils seraient limités dans l'effort. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les fibres musculaires de nos muscles sont différentes selon le type d'effort. Il y a des fibres dites rouges, qui sont des fibres dédiées à l'effort d'endurance, et des fibres blanches qui se contractent pendant des efforts très intenses. Donc l'haltérophile et le coureur de fond n'ont pas du tout les mêmes fibres musculaires. Bien sûr. Et on peut pas faire les deux, quoi. Il faut choisir, quoi. Encore que pour les sprinters, mais ça c'est vraiment les sprinters. Il y a un entraînement qui est proche de celui de l'haltérophilie. Oui, tout à fait. Là, il faut mobiliser une énergie sur. Et puis c'est des sports pour lesquels ils peuvent quasiment le faire sans respirer, quoi. L'apport d'oxygène. Alors là, on se retrouve par exemple sur les distances de 400 mètres où on est sur du sprint long, puis à la fois. C'est intermédiaire. Intermédiaire. Et c'est ce qui solliciterait plus. Le muscle cardiaque, n'importe quel autre. Oui, tout à fait. C'est des efforts intenses où pendant moins d'une minute, les gens sont en effort entre 80 et 100% de leur fréquence cardiaque. Quelles sont les contre-indications finalement pour... Alors, parce que c'est un peu la rentrée scolaire, là, hein, il n'y a pas si longtemps, et puis les jeunes vont s'inscrire dans des clubs la plupart du temps, puisque maintenant les activités périscolaires sont mortes. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs malheureux, parce que ça permet aussi la pratique de certains sports, hein, parce que quand même, en France, on n'a pas beaucoup de pratiques sportives à l'école. Oui, non. L'école primaire, j'entends, et puis même au collège. Même au collège. Mais encore au lycée, d'ailleurs. Oui, oui. Hein, quelles sont les contre-indications pour ces jeunes? Alors, il n'y a pas de contre-indication à une activité physique, déjà. Hein. Mais par contre, elle doit être adaptée en fonction des problèmes sous-jacents qui peuvent exister. Et c'est pour ça que c'est pas mal, avant d'envisager un sport, même de, surtout un sport de compétition, de passer une visite médicale. Qu'un médecin c'est obligatoire. Oui, je pense. Oui, c'est obligatoire. Oui. Et je crois que ça fait déjà pas mal d'années. Je crois que c'est bien parce que ça permet de dépister des tas de choses qui étaient passées totalement inaperçues. Hein. On a tous en mémoire des footballeurs qui ont fait des morts subites sur des stades, hein, même des professionnels, et qui étaient porteurs d'anomalies cardiaques congénitales qui n'avaient jamais été diagnostiquées. Est-ce que ça peut être décelé par un généraliste facilement? Peut-être par l'interrogatoire, peut-être si un électrocardiogramme est fait, peut-être par une auscultation si on trouve des souffles ou des troubles du rythme cardiaque. Je pense c'est quoi la définition du souffle au cœur? Quand on parle de temps. Alors, quand on a tant parlé, plutôt. Oui. Parce qu'on en parle de moins en moins. Un souffle cardiaque, ça traduit quand même des problèmes au niveau des valves. Hein, ou des anomalies de communication entre le cœur droit et le cœur gauche. Donc ça traduit quand même des petites... Mais il y a aussi des petits souffles fonctionnels qui sont liés à... qui sont totalement bénins, voilà. Mais des gros la souffles... La croissance? Oui, la croissance ou... un mode de fonctionnement du cœur qui donne ces petits souffles, mais il faut d'abord être sûr qu'il n'y a pas de malformation congénitale, de sténose des valves, de rétrécissement des valves où le sang a du mal de passer, ou bien au contraire une valve qui est trop ouverte avec le sang qui régurgite, et ça donne des souffles. C'est pas décelé dès après la naissance? Si, normalement si. Normalement, si, si. Hein, mais y a là, toujours... C'est là qu'intervient quand mais... même le rôle Le rôle du pédiatre, oui. Finalement. Mais je dirais que même chez quelqu'un qui a une cardiopathie congénitale, doit pouvoir avoir une activité physique, je n'ai pas dit sport de compétition, j'ai dit activité physique adaptée. Hein. Il y a toujours un bénéfice. Il y a un bénéfice important sur la santé. Hein. Les bénéfices sont des bénéfices cardiovasculaires, justement. On limite le risque d'accident cardiovasculaire plus tard si on a une activité sportive régulière ou physique. Hein. Sur le plan tensionnel, la tension baisse un petit peu. Ça limite l'hypertension. Hein. Bon, pendant l'effort physique, on a une tension qui peut monter à des chiffres considérables. Mais c'est pas de l'hypertension. C'est une adaptation de l'organisme à l'effort physique. Hein. L'hypertension, c'est une tension élevée qui reste durable en dehors de tout effort, la journée, la nuit. L'énervement aussi peut conduire à... Oui, mais enfin bon... Même si on s'énerve, on monte, sa tension artérielle de manière. Le stress, l'angoisse, l'énervement. Ça peut être en quelque sorte une défense du corps aussi. Oui, c'est une adaptation. Oui, du adaptation corps. Du corps. Mais ça ne dure pas. On n'est pas toute la journée avec une tension supérieure à 16-10, par exemple. Ça, on rentre dans l'hypertension artérielle. Mais quand on. Quelles sont les conséquences d'une hypertension? C'est un facteur de risque cardiovasculaire. C'est un facteur de maladie coronarienne et de lésion des vaisseaux. C'est un facteur d'accident vasculaire cérébral, c'est un facteur de lésion des vaisseaux du rein, donc d'insuffisance rénale, d'insuffisance coronaire, hein, d'infarctus, d'angor, de choses comme ça. C'est un facteur de risque cardiovasculaire net. Et comme tous les vaisseaux, enfin tous les organes du corps sont vascularisés, ces organes subissent l'apport sanguin. Par les vaisseaux, si les vaisseaux sont de mauvaise qualité, ces organes fonctionnent mal. Et l'apparition de varices plus fréquente, paraît-il, chez les sportifs, certains sportifs. Oui, c'est un blocage un petit peu du retour veineux par un blocage musculaire, hein, par des muscles qui contractent, qui compriment les veines. Mais c'est pas bien grave, hein, ça c'est pas méchant. Le tabac, tout ça. Oh, le tabac. Le tabac, l'alcool, tout ça. Non. C'est vraiment dans les régimes sportifs, bien sûr, oui. C'est prescrit. C'est proscrit. L'alcool, un sportif ne boit pas. Ou de manière occasionnelle et très peu. Et pas d'éthylisme important, pas d'alcoolisation importante. C'est extrêmement mauvais et délétère. Hein. Bien sûr. Le tabac... c'est un facteur d'insuffisance respiratoire. Hein, et pour faire du sport, on a besoin d'oxygène. Et l'oxygène, il est capté par nos poumons, Donc l'entraînement permet de développer la capacité respiratoire, la capacité pulmonaire, hein, en développant des muscles comme le diaphragme et des muscles respiratoires accessoires, les muscles intercostaux. Et il faut avoir une cage thoracique volumétrique, bien volumétrique, et une capacité d'expiration importante pour pouvoir bien vider, remplir et bien vider ses poumons. Et le tabac, non, c'est pas... C'est vraiment pas judicieux. En plus, le tabac est un facteur de risque cardiovasculaire à lui seul, en dehors des problèmes pulmonaires. Hein, donc, on parle de... Pour un grand fumeur, une grande fumeuse, comme on veut, hein. On met souvent au féminin maintenant. C'est 10 ans de vie en moins. Il y a plus de femmes qui fument que d'hommes. C'est 10 ans, statistiquement. C'est 10 ans de vie en moins. C'est 10 ans de vie en moins. Le tabac nous pique 10 ans de vie. Voilà. Mais je sais que Lia a arrêté de fumer. Voilà. Plus ou moins, j'ai arrêté de fumer. Disons que je sais l'impact que ça a sur ma santé, donc je fais attention. Voilà. Oui, alors on va parler quand même d'un sujet qui tient à cœur beaucoup de sportifs, le dopage. Le dopage, il peut être quand même de différentes natures. Il y a déjà une volonté de se surpasser. Alors cette volonté de surpasser peut faire qu'aussi les personnes... Pour arriver à la performance, peuvent avoir recours à des substances illicites, dangereuses pour leur corps. D'ailleurs, on voit un petit peu sans jeter la pierre sur un sport, on a des sports d'endurance. Est-ce qu'il y a des possibilités de prévention en la matière? Parce que je ne sais pas, dans les clubs sportifs, je suppose quand même que l'information est faite. Mais on n'a pas beaucoup de suivi médical. Ou bien alors, quand il y a du suivi médical, on peut penser aussi qu'il y a des médecins louches qui ont prescrit des... Oui, ça, je pense que ça a dû arriver, ça a dû exister. On connaît un médecin italien particulièrement célèbre qui a permis à beaucoup de cyclistes professionnels d'avoir accès à des substances de dopage. Mais je pense que le dopage, c'est de la triche. C'est de la triche, c'est-à-dire que on triche avec leur propre corps. Voilà, on triche avec son propre corps, avec soi-même et vis-à-vis des autres. Quoi. On n'est pas armes égales. Or, le dopage consiste, par exemple, à prendre des substances qui augmentent la quantité de globules rouges. Les globules rouges, dans le sang, sont les organites qui transportent l'oxygène. C'est-à-dire une meilleure oxygénation du sang. Du sang, oui. Mais c'est l'OPO. C'est l'OPO, oui. C'est l'OPO qui... Entre parenthèses, on arrive un petit peu au même résultat, tout à fait physiologiquement, en faisant des stages en altitude, en montagne. On fabrique de l'OPO quand on est en montagne. Moi, j'ai jamais eu de meilleure performance en vélo que quand j'avais terminé une semaine d'escalade ou de montagne, de randonnée en montagne. Mais c'est tout à fait physiologique et ça ne dure que quelques jours. Hein, mais... On est vraiment... Peut-être ça dépendait aussi de l'entraînement, mais je pense qu'on fait aussi des globules rouges en montagne. Oui. Puisqu'on parle de dopage, est-ce qu'on peut oxygéner artificiellement son sang par des transfusions de son propre sang ? Oui. On augmente le nombre de globules rouges. Hein, c'est-à-dire qu'on le fait soit par des manières médicamenteuses, qui est le PO, soit en donnant son propre sang, en le mettant en réserve dans une banque de sang plus ou moins louche quand même, et puis en se faisant transfuser la veille de l'effort sportif. C'est-à-dire que normalement, on a à peu près 45% du sang qui est fait de globules rouges. Le reste, c'est de l'eau, du sérum, quoi. Mais certains sportifs, par ces techniques-là, arrivent à monter au-dessus de 50% de globules rouges dans le sang. Mais ce faisant, ils ont une meilleure oxygénation. C'est vrai, ils transportent plus d'oxygène, donc leur muscle a plus d'oxygène. Mais on augmente la viscosité du sang. Et il y a plus de risques de phlébite, de thrombose, d'embolie. Donc on devient dangereux pour sa santé, en plus de tricher par rapport aux autres. Mais c'est vrai qu'on a découvert quelquefois dans des équipes cyclistes, dans les poubelles, le premier qui aurait du matériel de transfusion. Ce type de dopage, c'est une forme de dopage, c'était Virène aux Jeux Olympiques, alors je ne sais plus quelle année, de vieux. Là. C'est possible. C'est lui aussi qui faisait de la pub pour ses chaussures à pointe sur le podium. Si avec l'OPO, les transfusions, mais il y a aussi les corticoïdes, il y a aussi... Oui, pardon, avoir des corticoïdes. Les corticoïdes, oui, qui permettent de ne pas... Là, on joue un peu l'apprenti sorcier. Oui, bien sûr. Oui. Corticoïdes qui permettent de se dépasser, de ne pas sentir la douleur, d'améliorer les performances sportives et lutter contre la douleur ou l'effort qui devient insupportable parce que trop douloureux. Les corticoïdes évitent ça. Les amphétamines, par exemple, aussi, à une époque, étaient beaucoup utilisées parce que c'était... Il fouettait un petit peu le muscle cardiaque, quoi, mais on met son cœur en danger. Et les muscles aussi. Oui, en effet. Les muscles aussi. Les autres muscles aussi, d'accord. Oui. Et puis il y a eu des tas de cocktails extrêmement explosifs. Et on est surpris que le cycliste, par exemple. Le fameux pot belge. Oui, voilà, le fameux pot belge. Que le cycliste amateur, celui qui fait du vélo avec un club de cycleurs sportifs, sans esprit de compétition, qui sort tous les dimanches, et qui s'entraîne plusieurs fois par semaine, mais quelquefois, a une extrême longévité. Parmi ces gens-là, on a beaucoup de centenaires, de gens qui ont réussi à vivre très longtemps, très bien, en continuant de faire du vélo. Hein. Il y a un exemple célèbre. Qui a institué un record de l'heure. De l'heure, oui, des centenaires, oui. Et par contre, on est surpris et choqué par la durée de vie très courte des cyclistes professionnels. Oui, Antil, par exemple. Antil, à 55, 56 ans, je ne sais plus, mais enfin très, très jeune, beaucoup de sportifs. Il paraît qu'il buvait aussi beaucoup de champagne. Oui, bon. Oui, là, après, il y a une hygiène de vie. Hein. Si on veut rester sportif longtemps, je pense qu'il faut avoir une grosse hygiène de vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut proscrire ? Qu'est-ce qu'il faut manger ? Je pense qu'il faut avoir une alimentation tout à fait saine. C'est tout. Équilibré. Hein. On a... L'apport glucidique. Oui. Des sucres lents. Beaucoup de sucre lent. Hein. C'est-à-dire la grosse pâte de riz, par exemple. Le riz, les pâtes. La veille d'une compétition. Voilà, la veille d'une compétition. C'est pas trop manger le matin d'une compétition. Hein, c'est plus loin. C'est la veille. Quoi. Et puis, il y avait des régimes un petit peu régénérants aussi. C'était les skieurs nordiques. Norvégiens, Suédois, etc., qui utilisaient des régimes très riches en lipides. Mais il faut se méfier aussi des régimes trop riches en lipides, parce que ça dépose des graisses dans ça bouche les vaisseaux à long terme. Quoi. Avec des séquences riches en lipides et puis riches en glucides. Régimes sportifs, est-ce que là aussi, on n'a pas joué un peu trop avec le corps humain? Parce que quelquefois, il y a des modes aussi. Hein. Oui, il y a eu des modes. Régime alimentaire, il y a des modes. Il y a des cobayes, j'allais dire. Il y a des gens qui ont fait des régimes absolument supprimant tous les glucides. Tous les sucres, tous les glucides. Plus de pain, plus de nouilles, plus de riz, plus de sucre, plus de fruits. Enfin, c'était des régimes extrêmement sévères. Oui, extrêmement sévères. Ils étaient si au niveau de la compétition. Bon, il y a pu avoir des résultats, mais je pense aussi par une maigreur importante, une perte de poids. Hein. Mais je pense que c'est des régimes extrêmes qu'on ne peut pas faire au long cours parce qu'on carence son organisme et on a des problèmes de santé un jour ou l'autre. Quoi. C'est pas... Je pense qu'avoir un régime équilibré, c'est déjà pas mal. Hein, je crois que... Éviter quand même, bon, ben, on a vu le tabac, l'alcool, les charcuteries aussi. Oui, bien sûr. Oui, c'est, on dit, c'est, oui, oui. C'était trop de lipides aussi, bien oui, sûr. Oui, oui. Un régime équilibré, c'est déjà pas mal, et puis riche en sucre lent. Quoi. C'est... Et en ce qui concerne les sucres rapides? Les sucres rapides, ben, comme leur nom l'indique, il reste très peu de temps dans le sang. Parce que celui qui fait de la... La compétition compétition comme le marathon, on a quand même tendance à avoir une grande faim de sucre. De sucre, oui. Mais je pense que les sucres rapides sont bien, peut-être au départ, au début, avant la compétition, chez quelqu'un d'entraînant. Oui, pendant, je pense que le tube digestif les absorbe mal et en quantité insuffisante. C'est pour ça d'ailleurs que les contrôles de ravitaillement comportent des liquides sucrés. Oui. Mais bon, c'est pas sûr que le tube digestif absorbe bien tout ça. Voilà. Et puis, si on prend des sucres rapides et qu'on n'est pas assez entraîné, on a le pancréas libère de l'insuline. Oui. Et cette insuline détruit très rapidement les sucres. Oui, en fait, permet de les... fait que on peut avoir ce qu'on appelle des hypoglycémies réactionnelles. C'est-à-dire que le sucre monte très fort dans le sang, à des taux très élevés, mais il redescend plus bas qu'il n'était au départ. Donc c'est un petit peu une course sans fin, quoi. Et les crampes ? C'est une manifestation des muscles du corps ? C'est souvent des muscles soit insuffisamment entraînés, soit une hydratation insuffisante. Quand on a des crampes, c'est qu'on ne s'est pas assez hydraté, je pense. L'eau est nécessaire. Par contre, il faut boire beaucoup en cours d'efforts sportifs. Et beaucoup avant d'avoir soif. Avant d'avoir soif, voilà. Régulièrement, des petites quantités, des petites gorgées de temps en temps, mais régulièrement avant la sensation de soif. Et avant la sensation d'hypoglycémie où c'est trop tard, là, déjà. Et les courbatures d'efforts, alors tu disais... Alors les courbatures d'efforts, c'est l'acide lactique. Tu disais que c'était de l'acide lactique. Alors c'est qu'on a fait un effort en anaérobie en dette d'oxygène. On a un métabolisme de type cétose et on fait de l'acide lactique. Donc c'est un métabolisme qui n'est pas très rentable qui laisse ce manque d'oxygène laisse des métabolites acides comme l'acide lactique, d'autres métabolites qui devront être éliminés du corps dans les jours qui suivent. Ça donne là, on retrouve aussi peut-être l'élimination de la chaleur du corps par l'hydratation. Peut-être aussi. Mais normalement, on ne doit pas faire d'acide lactique si on est en dessous de 70% de sa fréquence cardiaque maximale. Hein ? Ça, c'est un seuil à bien se rappeler. Alors, c'est 70%. Il y a quand même l'effort, l'effort aussi sur les muscles et les articulations. Voilà. Le traumatisme qui peut être créé sur les muscles par le fait quand même que, par exemple, le coureur à pied. Le coureur à pied, oui, il y a des chocs. Il y a des chocs, oui. Et c'est important quand on fait des courses avec des chocs dans les membres inférieurs d'avoir de bonnes chaussures. Ah oui. Avec des semelles qui amortissent les chocs et de préférence s'entraîner en terrain, je dirais, un petit peu plus meuble que de s'entraîner sur le bitume ou le béton ou des sols très durs. Quoi. Parce qu'on traumatise ses articulations. Certains sports n'entraînent aucun traumatisme sur les articulations ou très peu. C'est la natation, le vélo, des choses comme ça, où on travaille sans choc. Ça, c'est plus adapté à un certain âge, ça. Par rapport à des agents extérieurs, c'est-à-dire ce qu'on peut respirer, les particules qu'on peut respirer, dans les particules fines, lorsqu'on prend la mauvaise habitude, j'allais dire, de courir au bord des routes. Oui, c'est vrai que les microparticules ne sont pas bonnes du point de vue pulmonaire, mais entre choisir de regarder la télé toute la journée et courir, même dans un endroit pollué, il vaut quand même mieux courir dans un endroit pollué. Sauf si on est... Il y a moins de pollution à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça stabilise souvent. Sauf si on est asthmatique. À choisir, courir dans la nature, dans un endroit vert, sans circulation routière, sans fumée industrielle. Marcher, aller sur la route des Crêtes, aller sur les sentiers vosgiens. Il y a largement de quoi faire dans des endroits qui ne sont pas pollués. Mais si on n'a pas le choix qu'on habite Paris, tant pis, on court à Paris. C'est mieux que de ne rien faire. Alors souvent on sépare un petit peu ce qui est marche rapide de marche de confort, j'allais dire, de marche lente. Oui. C'est-à-dire que c'est surtout une question du muscle cardiaque, c'est une question d'acide lactique, etc. Oui. Je dirais que on considère que la marche est normale jusqu'à 5 ou 6 km heure. Au-delà de 6 km heure, c'est une marche rapide. Et là, on augmente la fréquence cardiaque. On augmente sa fréquence cardiaque. C'est pas loin de la course d'endurance. Hein, on se trouve dans des... pas loin du footing. Quoi. On est quand même c'est bénéfique. C'est bénéfique pour la santé. Parce que finalement, la marche, c'est quand même... Le sport qui est quand même le plus pratiqué. Oui. Hein, parce qu'on le fait même pour aller jusqu'au magasin le plus proche, où je ne sais... Et c'est facile, il y a des tas de gens... Et puis, c'est quand même une forme de sport. Oui. De sport pour garder la santé. Sans traumatisme. C'est extrêmement sain et c'est à la portée de tout le monde. Et on peut faire du sport en allant à son boulot, en allant à l'école, en marchant. Hein. C'est très bien, c'est très bien, je crois. On dit qu'il faudrait faire à peu près 10 000 pas par jour, hein, c'est ce qu'on considère comme 10 000 pas. C'est-à-dire une demi-heure à une heure ? Oui, oui, je crois une demi-heure par jour ou 2h30 par semaine. Ouais. Voilà, de marche. Ça, de marche assez rapide. Assez quand rapide, même, assez rapide. De manière à mettre en route tous et les... Là, il y a eu des statistiques médicales extrêmement précises qui montrent qu'on diminue par, je crois que c'est par un facteur 30, le risque de mortalité cardiovasculaire ou de mort subite chez des gens qui marchent 2h30 par semaine ou une demi-heure par jour. Mais une demi-heure par jour de marche soutenue et d'un seul trait. C'est pas 5 minutes ici, 3 minutes là, 10 minutes là. C'est un effort d'une demi-heure continue, en continu. Tu le fais, toi, ouais. J'essaie, mais je... C'est difficile. C'est difficile de trouver le temps. Ouais, ouais. Elle est très occupée. J'essaie. Je suis très, un petit peu occupé en ce moment, mais j'essaie soit de marcher, soit de faire un petit peu de vélo. Et puis je nage. C'est ce qu'on peut dire aussi. Et je continue de nager. C'est des activités... Nager. Des activités sportives adaptées à l'âge. Oui. Hein, puisqu'il n'y a pas de traumatisme de choc au niveau articulaire, surtout pour un vieux footballeur blessé au niveau de ses articulations. À ce propos, on va s'accorder une pause musicale avant de parler des traumatismes qu'on peut rencontrer en faisant du sport. Et puis pour dire aussi qu'au mois d'octobre, on aura en principe Aurélie qui est sur une activité de sport adapté. Enfin, d'activité physique adaptée, pardon. Hein, il faut peut-être nuancer. Et qui a donc une mission départementale sur ce. Alors, on aura l'occasion de reparler du sport adapté parce que là, on l'a pas abordé aujourd'hui. Hein. On parle vraiment du sport et puis du sport, y compris compétition avec ses. Mmh. Alors, dernier. Oui, on va s'accorder tout de suite une pause musicale. Merci, Lia. She can hear herself. j'avais encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sport. On aura un nouveau magazine sur ce sujet-là. Ce sera plutôt l'activité sportive adaptée, mais on reparlera quand même des différents traumatismes qui peuvent survenir, comment les surmonter, puis comment garder la santé, bien sûr, avec une activité physique adaptée. Ben, ce sera pour le mois prochain. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain magazine santé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Parole est à vous, en sachant que ce sera peut-être consacré à la fête des simples à Cornimont. On donnera beaucoup plus de détails. Voilà. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci à Jean, merci Lia. Bonsoir à tous. Et merci Michel. Bonsoir Léa. Au revoir à tous.